notre maison veut de nouvelles fondations. Rien n'est impossible si l'on travaille ensemble. On est Madrigo, une histoire écrite par Kandai, élue par 0305. Résumé. La famille Madrigal est grande, colorée, chaleureuse, bruyante, magique, terriblement imparfaite. Et les constellations changent, vous valez beaucoup plus, votre cœur est immense. Chapitre 1. Comme un voleur. Enfui dans la nuit comme un voleur, sans laisser le moindre mot, laissant ses sœurs s'époumoner en le cherchant partout, et sa pauvre mère se transir d'inquiétude en le pensant disparu, ou pire encore. Bruno pouvait déjà entendre les reproches résonner dans ses oreilles, avec le ton désagréable que les commères du village employaient lorsqu'il avait le malheur de passer trop près d'elle. Il se fit violence pour continuer, mais chaque pas qu'il éloignait de Casita alourdissait son cœur. Julieta, Peppa, Mama. Le devin s'arrêta net, effondré. C'était trop douloureux. Il ne pouvait pas se résigner à quitter sa famille. Chère maison, j'aime tes nouvelles fondations. Ce n'est pas parfait. Personne ne l'est. Qu'importe. Chapitre 2. Faux jumeaux. Jumeaux, c'était le surnom qu'ils s'étaient donné enfant. Leur mère était jumelle, après tout. Triplée, si on comptait Tio Bruno. Et Camilo n'avait que 2 mois de plus que Mirabelle. C'était un âge assez proche, semblait-il, pour réclamer ce titre, et leur attitude trahissait leur complicité. Aucun ne faisait un pas sans attendre l'autre. Quand Camilo avait reçu son don, ils avaient passé des jours entiers à jouer à cache-cache dans sa chambre aux 1000 miroirs, rêvant à voix haute du pouvoir dont Mirabelle hériterait à son tour. Et puis, Mirabelle avait eu 5 ans, et tout avait changé. Tu brilles de mille feux. Le destin te sourit. Chapitre 3. Dans l'oreille d'une sourde. Elle s'acharnerait peut-être moins sur toi si tu arrêtais de vouloir toujours trop en faire. Avait conseillé Dolores à sa plus jeune cousine après une dispute particulièrement salée entre cette dernière et Isabella. Mirabelle l'avait regardée avec un air outré, les yeux brillants. « J'essaie juste de me rendre utile, Lola !» avait-elle sifflé furieuse. « C'est peut-être compliqué à comprendre pour toi, mais quand on n'a aucun pouvoir, le champ d'action est un peu limité. »« Ce n'est pas comme ça que tu vas lui rendre service. » »« Et qu'est-ce que tu en sais ?» cracha Mirabelle avant de s'en aller à grands pas. « Pour moi, vous comptez plus que tout. Le miracle n'est pas la magie que l'on croit. Mon miracle, c'est vous. Ma famille, c'est vous. » Chapitre 4. Un grand jour. « Je vous rappelle que c'est un grand jour. » annonça Alma aux parents de la future fiancée avant que le reste de la famille ne se disperse. Alors, tâchez d'être concentrés. Nous voulons que tout soit parfait pour notre Isabella. Julieta se mordit la lèvre, anxieuse. Elle avait ses réserves sur ses fiançailles précipitées, mais après le fiasco contrôlé d'hier. Mama, écoute, tenta-t-elle, hésitante. Tu ne penses pas qu'il serait mieux d'attendre au moins quelques jours? Fadaise, ce n'est pas le moment de s'affoler pour les divagations d'un enfant. Il y a un mariage à préparer. C'est une épreuve, c'est une fin. Merci d'avoir écouté. Ma